laisse mourir. Pout, poulet, c'est ça, rien. Pout, poulet, très sourire. Pout, poulet, c'est ça, rien. Les canaries, jamais. Sont rompus. La répute, on l'a fait quand on est môme. Fais le trait, tu payes cash. Dans l'amitié, y'a pas de promis. On se supporte, on s'embrouille, on s'apprécie. Des grosses dédicaces à nos refrains dans nos récits. On laisse jamais une femme se mettre entre nous. Et si on se dispute, c'est que c'était une grosse pute. Y'a des choses qui se prouvent avec des gestes, c'est super simple. Tu t'embrouilles et regarde y'a qui reste. Si c'est chelou, ça va être super relou. Parce que c'est trop tard, les embrouilles entre jeunes loups. Du haut shop comme Mercedes et Benz, Smith et Wesson, la pointe et Jackson. On se couvre face aux fusillades de la vie. Y'a trop de jaloux, des jeteurs d'œil et d'envie. Y'a des escadrilles dans l'air, y'a du 7-8 dans l'air, y'a du 7-5 dans l'air. Très horaire et ses arrières, je veille sur mon frérot et ses arrières. Y'a des escadrilles dans l'air, y'a du 7-5 dans l'air, y'a du 7-8 dans l'air. Très horaire et ses arrières. Si t'entends chacha, c'est qu'il y a du César dans l'air. Si t'entends trésor, ça va de pair. Mélange, ça va te plaire. Mais même mon frère, je viens de la ville fatigante. Dans l'air comme les noix chives, Bélec à leur tête piquant. Panam avait déjà son Chinatown. Bientôt Fast and Furious Dragon contre Nino Brown. Dans l'air des bolides à prendre avec des pincettes sièges éjectables pour les 00 Friends. Dans l'air du pétrole, les vigros vivent du monopole. Sont des milliards de mecs à poil pour remplir des mégapoles. Dans l'air des mauvais climats de la terre qui chauffe sa mère. Quand y'en aura marre, on sera en galère. Éclair, déluge, tonnerre, tous dans le zep comme les décideurs. Faut faire les pétards, déciseurs. Moi, black black, déjà cramé, j'fais des UV. Normalisé, j'suis dans l'air, j'suis tout spé. Y'a de l'escadrille dans l'air, y'a du 7-8 dans l'air, y'a du 7-5 dans l'air. Très horaire et ses AR, j'veille sur mon frérot et ses arrières. Y'a de l'escadrille dans l'air, y'a du 7-5 dans l'air, y'a du 7-8 dans l'air. Très horaire et ses AR. Levez, levez, levez les bras, des escadrilles dans l'air. Le son casse des bouches, y'aura beaucoup de frais dentaires dans cette vie. Difficile de prendre ton pied quand t'as un budget. Pas de bif, pas du jot, pourquoi tu tchatches? J'veille sur mon frérot, cherche à mon frère. Dans l'air, comme les mains noires et blanches pendant nos concerts. 13 OR, César R, Mali, Sénégal. Plus que hardcore, on a un groupe de heavy metal. On veille sur les frères, même s'ils sont relous. Parce qu'on l'est un peu aussi entre nous. Tous des différentes façons, c'est les gènes et la vie. On défend nos positions, personne n'impose son avis. Pas d'accord, tant pis, même si on est deg. Parce que les amis, ça sert les coudes, pas les gags. Eh eh eh merde, fais ce que t'as à faire. On est là derrière aujourd'hui. Y'a de l'escadrille dans l'air, y'a du 7-8 dans l'air, y'a du 7-5 dans l'air. Très horaire et ses AR, j'veille sur mon frère.